Portrait d'assaut sur Fadjet. L'association Bas de Champigneul nous invite à un voyage en Afrique de l'Ouest. Ce sera le samedi 10 février. Nathalie Serré, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire et chargée de la communication donc pour l'association Bas. Oui, c'est ça. On vous avait eu l'année dernière pour parler de la deuxième édition du festival que vous aviez fait au mois d'août. On en reparlera tout à l'heure. Mais c'est aussi l'occasion, parce qu'avec cet événement, de reparler de l'association. On va pouvoir faire plein de choses ce jour-là. Avant d'en parler du 10 février, qu'est-ce que l'association BA? Alors l'association BA, c'est une association culturelle avec un volet de solidarité internationale. On travaille sur tout ce qui est échange avec l'Afrique de l'Ouest au niveau de la culture, la danse, l'artisanat, etc. Et on a un volet de solidarité internationale qui aide à la réfection d'une maternité d'un petit village qui se trouve à l'ouest du Burkina Faso, à Ouri. Et puis le projet tire à sa fin et on est en train de basculer vers la scolarisation des enfants orphelins du village. L'association a commencé quand, son existence ? Alors, l'association existe depuis 2010, mais le volet de solidarité a 2 ou 3 ans d'ancienneté en moins, quoi. Et donc, avec ce projet de maternité qui arrive au bout aujourd'hui ? Alors, on n'était pas les seuls, il y a le district qui a aidé, etc. Donc, nous, on a apporté notre soutien. Et puis, bon, visiblement, pour l'instant, ils n'ont plus trop besoin de nous, donc tant mieux. Et on bascule vers l'école. Pourquoi l'Afrique de l'Ouest ? Parce que c'est autour de la danse africaine que je pratique depuis quelques années. D'accord. On travaille avec des artistes qui viennent essentiellement du Burkina Faso et de la Guinée. Donc voilà, c'est plus sur l'Afrique de l'Ouest et pour avoir effectué plusieurs fois des voyages au Burkina Faso. Donc. L'association BA qui nous propose donc de découvrir cette culture d'Afrique de l'Ouest le samedi 10 février avec 2 temps forts, un stage de danse et bien sûr la soirée à partir de 19h30. Ce sera bien sûr à Champigneul. Mais pour celles et ceux qui étaient déjà à Champigneul l'année dernière, on vous connaissait notamment par le festival que vous aviez organisé au mois d'août. Oui, c'est ça. Ça, c'est le Festiba. Le Festiba, c'était la deuxième édition. Oui. Il y aura une troisième édition cette année ? Il y aura une troisième édition le 24-25 août et ce sera un rendez-vous annuel, toujours le dernier week-end du mois d'août. Voilà, et ça s'était bien passé. Donc, très bien. Et c'est un peu ce qu'on va retrouver dans l'ambiance ce 10 février, dans l'esprit ? Alors, c'est toujours dans le même esprit, avec beaucoup de partage et dans un esprit chaleureux et d'échange. Alors, avec des interventions, des animations musicales, animations de danse, moins concerts que lors du festival, mais quand même, oui, avec des petites animations musicales. Et puis, je ne dévoile pas tout parce que plein d'autres surprises. Est-ce que vous avez parlé de danse, hein? Oui, vous faites danse, de la danse. Des démonstrations africaine. De danse d'Afrique de l'Ouest, fait par des élèves des cours qui viennent danser avec nous à Champigneul. Et vous proposez donc un stage de danse avec un artiste qui s'appelle Camille Ouzongo, qui est un artiste burkinabé aussi, qui est basé à Paris. Il y a des inscriptions, j'imagine. Les inscriptions, oui, se font par mail à l'adresse de l'association, donc associationba@gmail.com. Donc c'est tout niveau, il n'y a pas à avoir peur qu'on ait déjà beaucoup dansé ou pas. En général, les professeurs s'adaptent. Donc. On peut être débutant, n'avoir jamais dansé. On peut dansé. Être débutant, c'est histoire de venir passer un bon moment, et puis on fait ce qu'on arrive à faire, et il n'y a aucun regard malveillant. Et le soir, on pourra même pratiquer, de fait, oui, on peut oui, faire oui. La... Le oui, stage oui, le matin. Des petites initiations. Et oui, oui, alors il y a une démonstration, mais c'est toujours dans la bonne ambiance. Et l'objectif étant de faire danser un maximum de monde aussi pendant la soirée. Pour participer, on l'a dit, il faut réserver pour le stage de danse, mais le soir aussi ? Oui, pour le soir, il faut réserver aussi, puisque c'est un repas. Donc on a besoin de savoir combien de personnes on doit prévoir. Donc on peut réserver aussi à associationba@gmail.com ou bien on peut réserver au 07 81 76 87 54. Voilà, des coordonnées, bien sûr, qu'on retrouvera sur le site de la radio. Et puis sur les réseaux sociaux aussi. Oui, sur la page Facebook de l'association. Voilà. Pour revenir un peu sur la culture africaine que vous connaissez, que vous aimez, comment vous l'avez découverte d'ailleurs, cette culture ? Alors moi, je l'ai découverte lors d'un stage de danse au Burkina Faso, il y a 18 ans, en ayant la chance d'être logée en famille, donc de vraiment découvrir la vie exactement comme elle est, et non la vie entre guillemets touristique. Mm-hmm. Donc en pratiquant la danse quotidiennement sur une dizaine de jours, et puis sur le reste des découvertes, des visites, assister à des spectacles, assister à des cérémonies de mariage, de baptême, voir les femmes cuisiner, enfin être vraiment dans la vie locale. Ouais. Et puis une fois qu'on a mis le pied dedans, ben voilà, on n'en sort c'est plus. Vrai. Et depuis, vous avez même eu l'idée de créer cette association. C'était un cap supplémentaire. Alors moi, j'ai une un petit plus parce que depuis 14 ans maintenant, mon mari est burkinabé. Et donc, nous avons aussi un enfant et on a donc été amenés à aller voir la maternité du village. Et on était bien sûr sensibilisés à la différence entre la maternité chez nous et la maternité là-bas. Donc, il y avait vraiment un grand besoin d'aide. Et il y avait une nouvelle maternité en construction, mais qui n'avançait pas parce que les fonds n'étaient pas là. Alors, ce n'est pas nous qui avons apporté les fonds essentiels, mais on a apporté du matériel, des lits médicalisés, des tables d'accouchement, du petit matériel. On a la chance d'avoir une pédiatre qui nous aide aussi pour le matériel pour les tout-petits, enfin vraiment pour les nouveau-nés. Donc voilà, c'était vraiment une mission de cœur. Qui a permis à plein de petits enfants de venir au monde dans de meilleures conditions, on espère, en tout oui. cas. Et bah, ces enfants sont aussi toujours dans votre actualité avec le prochain volet, prochain projet de l'association BAV. Vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui, parce que comme on a senti que le projet de la maternité tirait à sa fin, on n'a pas voulu s'arrêter là. Et oui. puis, on a une antenne là-bas, une personne qui suit nos activités là-bas et qui sert de relais pour voir ce dont ils ont besoin. Et donc, il y a quand même une cinquantaine d'enfants orphelins de père ou de mère ou des deux qui n'arrivent pas à payer leur scolarité, leur matériel, etc. Donc on a décidé de basculer vers, étant enseignante, voilà, j'étais déjà sensibilisée au domaine. De quelle manière vous allez pouvoir un peu les aider, vous? En trouvant un peu d'argent tout simplement? Oui, c'est en trouvant un peu d'argent pour payer leur inscription et puis pour acheter aussi les fournitures. Alors le Burkina Faso est dans une situation politique un petit peu compliquée, donc c'est pas évident de s'y rendre. Donc l'objectif est aussi de pouvoir faire acheter le matériel là-bas pour le moment et puis bah, quand on pourra y retourner, leur apporter tout ce qu'on pourra leur apporter. Et au-delà donc du côté festif de ce que vous proposez tout au long de l'année, le festival, ce rendez-vous du 10 février, bien sûr on va pouvoir danser, s'amuser, rire, mais aussi faire connaître la situation de ces enfants et bien sûr récolter un peu d'argent. Voilà, il y a toujours une part des soirées, enfin de toutes nos manifestations, il y a toujours une part qui part pour le volet de solidarité et en plus une vente d'artisanat qui là est complètement dédié à ça. On va peut-être redonner peut-être les infos pratiques pour en savoir plus, pour venir éventuellement le samedi février. Oui. Où est-ce qu'il faut trouver toutes les infos? Alors donc sur la page Facebook de l'association, Association BA, sur la page Instagram aussi. Et puis on peut nous contacter par mail ou par téléphone à associationba@gmail.com ou bien au 07 81 76 87 54. Et sur la page Facebook, vous trouverez aussi un lien Hello Asso pour pouvoir s'inscrire directement et payer sa réservation sur le site en toute sécurité. Merci beaucoup Nathalie. On vous souhaite quoi pour cette année 2024 et puis pour ce rendez-vous du 10? On souhaite que vous veniez nombreux à notre rendez-vous du 10, que de plus en plus de gens se mobilisent et puis participent à nos côtés, à nos différents événements. Et puis toujours du partage et que la situation se calme là-bas afin qu'on puisse y retourner, puisqu'on organisait aussi des stages et des voyages culturels qu'on a été obligé de suspendre pour le moment. Donc voilà, c'est tout ce qu'on souhaite. Et c'est tout ce qu'on vous souhaite. Je rappelle que cette invitation au voyage en Afrique de l'Ouest par l'association BA, c'est le samedi 10 février. Le matin, c'est le stage de danse et la soirée à partir de 19h30. Tout cela se déroule à la salle Claude Hartmann, rue Philippe Martin à Champignolles. Merci beaucoup Nathalie. Merci. C'était Portrait d'Assaut sur Fadjet. Pour y participer, écrivez-nous à contact@fadjet.net.